Toyota. Papa, quand est-ce qu'on arrive ? Bah, papa doit d'abord recharger sa voiture. Papa, quand est-ce qu'on repart ? Dans 30 minutes. C'est long d'attendre de repartir. Je sais. L'hybride Toyota, préférez l'électrique sans aucune limite. Toyota s'engage et renforce sa prime à l'hybride Toyota jusqu'à 5000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière non cumulable et sous conditions de reprise. 5000 euros pour la commande d'un Toyota CHR hybride 9 jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Autres modèles et détails sur toyota.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de femmes qui se sont battues pour un droit courir. Ce qui peut paraître anodin aujourd'hui est en réalité le fruit d'une lutte qui a traversé le XXe siècle. Pendant des décennies, on a considéré en effet qu'il était dangereux pour les femmes de courir plus d'un kilomètre. Une drôle d'idée que des médecins ont pourtant cautionné. Alors, imaginez une femme qui court les 42 kilomètres d'un marathon. Personne n'y croit. Et pourtant, dès la fin du XIXe siècle, de nombreuses marathoniennes ont prouvé que c'était évidemment possible, mais souvent de manière clandestine et presque toujours oubliée des médias. Toutes, sauf une, qui restait célèbre avec son dossard 261, Catherine Switzer. En 1967, cette jeune américaine s'inscrit au marathon de Boston, l'un des plus prestigieux de la planète. Le directeur de la course la repère et tente de l'expulser. Les photos de l'agression font le tour du monde. Le combat de la jeune américaine sera celui d'une vie, obtenir le droit pour toutes les femmes de courir le marathon. Partout, et surtout aux Jeux Olympiques, avec des enjeux qui évidemment dépassent le sport. Vous entendrez dans ce récit de nombreux extraits du film documentaire Free to Run, réalisé par Pierre Morat et produit par Yuzu Productions. Notre invitée aujourd'hui, Martine Segalen, ethnologue française, spécialiste de la famille, professeure émérite à l'université Paris 10 Nanterre et autrice de l'ouvrage « Les enfants d'Achille et de Nike, éloge de la course à pied ordinaire » chez Métayer, publié en 1994 et réédité en 2017. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Été 1928. Ce 28 juillet, pour la première fois depuis les Olympiades de l'ère moderne, la flamme olympique est allumée dans le stade d'Amsterdam. Mais ce que de nombreux spectateurs et spectatrices attendent, c'est l'entrée des femmes dans les épreuves d'athlétisme. Une vraie révolution. Il faut dire que le baron Pierre de Coubertin, fondateur du Comité international olympique et créateur des JO modernes, est un macho de première, farouche opposant à la participation des femmes. La preuve, en 1901, il écrit « Le rôle de la femme reste ce qu'il a toujours été ». Elle est avant tout la compagne de l'homme, la future mère de famille et doit être élevée en vue de cet avenir immuable. Un peu plus de 10 ans plus tard, le baron récidive dans la revue olympique de juillet 1912. Une petite olympiade femelle à côté de la grande olympiade mâle. Où serait l'intérêt ? Les organisateurs déjà surchargés, les délais déjà trop courts, les difficultés de logement et de classement déjà formidables. Les frais déjà excessifs. Il faudrait doubler tout cela. Et qui voudrait s'en charger ? Impratique, inintéressante, inesthétique. Et nous ne craignons pas d'ajouter incorrect. Telle serait, à notre avis, cette demi-olympiade féminine. Ce n'est pas là notre conception des Jeux olympiques dans lesquels nous estimons qu'on a cherché et qu'on doit continuer de chercher la réalisation de la formule que voici. L'exaltation solennelle et périodique de l'athlétisme mâle, avec l'internationalisme pour base, la loyauté pour moyen, l'art pour cadre et l'applaudissement féminin pour récompense. Cette formule, combinée de l'idéal antique et des traditions de la chevalerie, est la seule saine et la seule satisfaisante. Elle s'imposera d'elle-même à l'opinion. Une nouvelle version du bien et du mal. Face à ce monsieur Coubertin, on retrouve tout de même Alice Millia, une sportive française devenue ambassadrice de la promotion du sport féminin dans toute l'Europe. En 1921, elle fonde la Fédération sportive féminine internationale et organise l'année suivante les Jeux olympiques féminins. Non mais alors ! Et en plus ça marche ! La première édition de 1922 est couronnée de succès. Organisés à Paris, ces jeux féminins attirent le public. 4 ans plus tard, nouvelle réussite pour les Olympiades, organisée cette fois dans la ville suédoise de Göteborg. Grâce à ses réussites, mais également à sa persévérance, Alice Milia obtient l'inscription de 5 épreuves d'athlétisme aux JO de 1928 d'Amsterdam. À savoir le 100 mètres, le relais 4x100, le lancer de disque, le saut en hauteur et le 800 mètres. Pierre de Coubertin et ses idées rétrogrades en sont pour leurs frais. Le 2 août 1928, devant les tribunes bien remplies du stade olympique d'Amsterdam, c'est l'heure de la finale du 800 mètres. 9 coureuses s'affrontent. Sur la ligne de départ, 2 écoles, 2 styles. 4 coureuses s'agenouillent, telles les sprinteuses. Les 5 autres partent debout, comme dans les courses de demi-fond. 1 mètre derrière elle, un juge vêtu d'une veste blanche lève son pistolet et tire. C'est parti pour 2 tours de piste. Dès le départ, la japonaise Kinue Hitomi prend la tête sur les 100 premiers mètres. À l'arrière du peloton, la suédoise Inga Gensel fait une remontée impressionnante, double toutes les coureuses et se place à la corde dans la ligne droite opposée. Elle impose un train d'enfer. Mais l'allemande Lina Radke s'accroche, lance une attaque dans le dernier virage et sort en tête dans la dernière ligne droite. La suédoise, elle, accuse le coup et la japonaise, restée en embuscade, la dépasse à quelques mètres de l'arrivée. Elle prend la médaille d'argent derrière Lina Radke, qui bat le record du monde. La suédoise sauve ainsi les meubles avec une médaille de bronze. Dans les gradins, la foule agite ses canotiers en l'air à l'arrivée des 3 athlètes. John Tunis, journaliste sportif américain réputé à l'époque, résume la course. Dans le New York Evening Post, il écrit « Sous nos yeux, sur la piste cendrée, se trouvaient 11 pauvres femmes. 5 ont abandonné avant la fin de la course et 5 se sont effondrées sur la ligne d'arrivée. » Dire que 5 ont abandonné et 5 se sont écroulés, c'est évidemment pur mensonge. Et il n'est pas le seul. Un journaliste allemand écrit par exemple « Nous croyons que la femme ne doit pas courir sur des distances aussi grandes. Presque toutes les concurrentes étaient terrassées. Ce n'était pas beau à voir. » Et encore, estimons-nous heureux que le plumitif nous ait pas sorti l'appellation « sexe faible », une formule à l'indécence « durée de vie ». Dans le documentaire « Free to Run », l'historien américain Roger Robinson explique quelles ont été les conséquences de ces manipulations dans la presse. Ce 800 mètres femmes de 1928 fut fascinant à plus d'un titre. D'abord parce qu'elles ont très bien couru. Ensuite parce que le comité olympique a rapporté sûrement de manière délibérée pour manipuler l'opinion publique qu'elles s'étaient toutes effondrées. En réalité, une des coureuses s'est jetée sur la ligne d'arrivée et a fini par tomber, comme souvent dans une course. Le film s'est focalisé là-dessus, ce qui a fait croire à un épuisement total. C'est devenu la vérité officielle, les médecins ont dit que les femmes se mettaient en danger, qu'elles ne devaient pas faire ça. Trop de masse grasse, trop émotive. Et le 800 mètres femmes a disparu des JO jusqu'en 1960. Les membres des CIO hostiles à la tenue d'épreuves féminines en athlétisme réussissent leur coup. Grâce à la complicité de journalistes malhonnêtes, il n'y aura plus de 800 mètres au JO avant 1960. Alors, comment, dans ces conditions, oser imaginer qu'un jour il puisse y avoir un marathon féminin, 42 km et 195 mètres? Une femme n'en est pas capable. Les dirigeants des instances sportives en sont certains. Et puis, ils ont un allié de taille dans leur délire, la médecine. Oui, dans le magazine Le Miroir des Sports, on peut lire, dès 1923, que les sports exigeant une grande dépense d'énergie produisent dans l'organisme féminin des troubles graves. Des légendes circulent, courir ferait tomber l'utérus ou pousser les poils sur la poitrine. Pourtant, des marathoniennes, il en existe, mais leur histoire ne trouve aucun écho dans les médias. Remontons le temps. En 1896, lors des premiers Jeux Olympiques organisés à Athènes, Stamata Reviti se présente pour participer à l'épreuve du marathon. On lui refuse le droit de courir aux côtés des hommes. Qu'à cela tienne, le lendemain de l'épreuve officielle, la coureuse de fond grecque termine le marathon en 5h30. Plus de 20 ans plus tard, le 29 septembre 1918, Marie-Louise Ledru termine le Tour de Paris en 5h40. Et puis en 1926, c'est l'anglaise Violet Percy qui pulvérise le chrono en terminant le marathon de Polytechnique entre Londres et Windsor en 3h40, un record qui tient 37 ans. Jusqu'à ce qu'une américaine nommée Mary Lepper achève en 3h37 le marathon de l'hémisphère occidental à Culver City. Et là, nous sommes en 1963. Enfin, en France, un reportage sur le sport féminin donne la mesure. Monique Berliot, membre du Comité Olympique International, explique les bienfaits du sport pour la femme. L'un des principaux rôles de la femme, qui est quand même de donner des enfants à son pays, et de donner des enfants qui soient sains, et elle-même d'être saine, donc d'avoir pratiqué le sport. Et à cette condition seulement, je pense que la jeunesse du pays sera une jeunesse saine et vigoureuse. Voilà, faire du sport fera de beaux enfants pour la nation. C'est déjà ça. Dans le même reportage, un médecin explique quel sport est bénéfique pour la femme. Et son principal argument est esthétique. Le sport de compétition pour les femmes est un problème, évidemment. On a des congrès là-dessus. Ça peut être à la fois tout à fait bénéfique et tout à fait maléfique. Tout dépend comment c'est organisé, de quel sport il s'agit. Est-ce qu'il y a des spécialités qui s'adaptent plus facilement à la femme ? Certainement la gymnastique, c'est très beau. Je verrais certainement la natation, oui. Pourtant qui est un sport très très dur, n'est-ce pas ? Mais qui ne fatigue pas les ligaments, les articulations, n'est-ce pas ? On n'a pas de claquage en natation. Je verrai certainement l'athlétisme, mais oui, mais pour une élite, n'est-ce pas ? Car c'est réellement très laid de voir une femme qui n'est pas douée pour, n'est-ce pas, courir sur une piste. C'est pas beau. Il faut que ça soit très beau. Ce qui nous apparaît aujourd'hui comme un sommet de bêtises, insultante de surcroît, est monnaie courante à l'époque. Mais depuis les JO de 1960 à Rome, on court de nouveau le 800 mètres féminin. En revanche, pour le marathon, au JO, la question ne se pose même pas, autrement dit, pas question de l'ouvrir aux femmes. La révolution des mentalités ne viendra donc pas d'Europe. Non, c'est aux États-Unis que deux femmes vont changer le regard de l'opinion en courant le plus vieux marathon du monde, celui de Boston. Le 53e marathon de Boston aura lieu demain. Plus de 200 personnes parcourront les 42 km de ce marathon unique. Au début des années 60, Catherine Switzer est une adolescente américaine. Son père, militaire, l'encourage à courir pour intégrer l'équipe de hockey du collège. Il lui dit « Il te suffit de courir 2 km chaque jour et tu deviendras la meilleure de l'équipe. » Elle répond « Quoi 2 km par jour ? C'est comme escalader le Kilimandjaro. » On la comprend un peu. Les premières courses sont difficiles, mais Catherine tient le rythme et court en pleine nature 2 km par jour. Et au fil des jours, elle s'améliore et surtout, elle prend confiance. Elle se confie sur cette période dans le documentaire Free to Run. J'ai commencé à courir cette distance tous les jours et quelque chose d'incroyable s'est produit. Chaque jour, je me sentais plus forte, plus courageuse. J'avais le sentiment d'être capable de tout faire, de conquérir le monde. La méthode est gagnante. Catherine devient très vite l'une des meilleures joueuses de son équipe de hockey sur gazon. Et lorsqu'elle rentre à l'université en 1965, c'est tout naturellement qu'elle se rend au club d'athlétisme du campus. Mais à sa grande surprise, il n'y a pas d'équipe de filles. Qu'à cela ne tienne, elle va voir l'entraîneur des garçons et lui demande si elle peut s'entraîner avec eux. Celui-ci fait la grimace. Il lui dit « Je suis entraîneur ici depuis 30 ans et on n'a jamais eu de filles jusque-là. Il faut que tu saches que c'est contraire au règlement de te laisser courir avec les garçons. » La NC2A, qui s'occupe de l'athlétisme universitaire aux USA, comme le CIO à l'époque, refuse de laisser courir les femmes. Mais à force d'insister, Catherine obtient l'autorisation de s'entraîner avec Arnie Bridge, l'un des coachs de l'université de Syracuse. Ainsi, chaque soir, après sa tournée, il court pour préparer le marathon de Boston, auquel il a déjà participé 15 fois. Il est intarissable en anecdotes sur cette course mythique. Catherine commence à les connaître par cœur, tellement il les lui répète. Mais petit à petit, une idée germe. Pourquoi ne pourrait-elle pas le courir le marathon, elle aussi ? Elle soumet l'idée à Arnie Bridge, qui refuse. Fidèle à son caractère, elle insiste. « Arnie, peu importe ce que tu crois, Mais je ne cours plus avec toi tant que tu penses qu'une femme ne peut pas courir la distance d'un marathon. Écoute, lui répond-il, si une femme peut le faire, toi tu peux le faire. Mais il faudra me le prouver. En fait, si tu me le démontres à l'entraînement, je serai le premier à t'emmener à Boston. Grâce au feu vert de son entraîneur, Catherine commence donc son entraînement, parcourant chaque fois des distances de plus en plus longues. Elle sait que les femmes sont capables de courir un marathon. D'ailleurs, elle a lu dans les journaux l'histoire de Bobby Jim. Elle, c'est une jeune Américaine née à Boston, partie vivre en Californie avec son mari militaire. Chaque jour, elle parcourt 13 kilomètres pour se rendre à l'université. Pendant 2 ans, elle s'entraîne dur, dans un seul but, participer au marathon de Boston. En février 1966, elle envoie par courrier une demande d'inscription. Elle raconte la suite dans le documentaire Free to Run. Après avoir envoyé le bulletin d'inscription, j'ai reçu une lettre en retour de Will Cloney, l'organisateur. Elle disait que les femmes étaient physiquement incapables de courir 42 km et que selon les règles de la fédération, elles n'étaient pas autorisées à courir plus de 1500 mètres en compétition. Mais j'ai convaincu ma mère de me conduire jusqu'à Boston. Au début, elle pensait que j'étais folle. Je lui ai dit, « Maman, ce n'est pas que pour moi, c'est pour toutes les femmes. Il y a une brèche qui s'ouvre. C'est une opportunité pour changer les choses. » Et Bobby Jim a une volonté à toute épreuve. Après avoir manqué l'édition de 1965 du marathon de Boston à cause d'une blessure au mois d'avril 1966, elle a soif de revanche sur le mauvais sort et rien ne l'arrête. Venu de Californie, il lui faut 4 jours et 3 nuits de bus pour rejoindre la maison de ses parents à Winchester sur la côte Est. Le 19 avril 1966, sa mère la dépose aux abords du départ de la course. Bobby a emprunté un Bermuda à son frère et revêtu un sweat à capuche bleue. C'est sa tenue de camouflage, en quelque sorte. Mais elle va plus loin. Avant le coup d'envoi, elle se cache dans un buisson. Ce n'est qu'après le départ de plusieurs dizaines de coureurs qu'elle se glisse dans le peloton. Ni vu ni connu. Enfin, cela ne dure que quelques instants. Des marathoniens comprennent que c'est une femme. Mais l'accueil n'est pas hostile, voire même chaleureux. Et au fil des minutes, une rumeur s'empare de la foule venue assister à la course. Une femme serait là. Les spectateurs scrutent alors avec attention les centaines de participants à la recherche d'un visage féminin. Tout d'un coup, la foule aperçoit Bobby Jim et redouble ses applaudissements. Les encouragements permettent à la jeune coureuse de continuer la course malgré ses pieds qui saignent. C'est la première fois qu'elle porte des chaussures de course neuves, de surcroît. Ça fait mal. Au mental, elle parvient à franchir la ligne d'arrivée en 3h20 et 1 minute et 40 secondes, à 2 minutes du record du monde détenu par la néo-zélandaise Mildred Sampson. Dans le sas d'arrivée, le gouverneur du Massachusetts en personne vient lui serrer la main. Quant aux organisateurs de la course, ils ne veulent pas reconnaître la performance de la jeune femme et déclarent « Jib, elle a simplement pris le même itinéraire que la course officielle pendant que celle-ci était en cours, mais aucune fille n'a jamais couru le marathon de Boston ». Pourtant, le lendemain, dans les journaux, l'histoire de Bobby Jim est relatée. Le Boston Globe titre « Une fille termine le marathon ». Mais l'événement est traité comme une curiosité, un fait divers, pas une performance sportive. Alors qu'en réalité, Bobby est arrivé dans le premier tiers d'une course entièrement masculine. 2 semaines après l'épreuve, un article intitulé « Une fille dans un jeu d'hommes » est publié dans Sports Illustrated, l'un des plus grands magazines sportifs du pays. On peut y lire. Boston n'était pas prêt à voir une femme au foyer, blonde, sortir des buissons pour écraser l'ego masculin. Sa performance devrait aider à éliminer l'idée dépassée selon laquelle une femme est trop fragile pour les courses de longue distance. Pendant ce temps, à Syracuse, Catherine Switzer, qui s'entraîne dans son université, prend connaissance de cette histoire. Alors c'est décidé, elle va s'inscrire elle aussi au marathon de Boston. 19 avril 1967, Catherine Switzer, contrairement à Bobby Jim, ne se cache pas dans un buisson. Elle arbore même un dossard avec un numéro qui va passer à la postérité, le 261. Elle s'est inscrite au marathon en bonne et due forme, avec ses initiales KV pour Catherine Virginia. Les organisateurs n'y ont vu que du feu. Ce jour-là, il fait un sale temps, une sorte de pluie mêlée de neige, comme un jour de janvier à Paris. Catherine porte un large survêtement et un sweat à capuche. Sur la ligne de départ, elle est accompagnée de son entraîneur Arnie Ridge et de son petit ami Tom Miller, athlète dont la spécialité est de lancer le marteau. Un beau gabarit, celui-là, pas vraiment le profil du marathonien. Les trois s'élancent dans une course qui va rester dans l'histoire. Au moment d'arriver au panneau qui indique les 3000, près de 5 km, le petit bus transportant la presse passe à hauteur de Catherine Switzer. À l'intérieur du véhicule, il y a également les deux directeurs du marathon, Will Cloney et Jock Sample. L'un des journalistes lance à ce dernier, pour le charrier, « Hey Jock, il y a une femme dans ta course !» En apercevant Catherine, Jock Sample rentre dans une colère noire et crie au chauffeur « Arrête le bus !» Il descend sur la route et se met à poursuivre la jeune femme. Catherine Switzer raconte la suite de cette scène dans le documentaire « Free to Run ». J'ai perçu derrière moi un bruit de chaussures en cuir qui crissaient et se rapprochaient. Je me suis retournée tout à coup, comme si un chien me poursuivait. Et Jock Sample m'a attrapée comme ça. Les photographes n'ont rien manqué de cette scène spectaculaire. Une femme qui court, le directeur du marathon projeté dans un fossé, tous les éléments d'un scoop sont réunis. Mais Catherine Switzer, choquée par cette agression, va-t-elle pouvoir terminer le marathon? Affaires sensibles, Fabrice Drouel. 19 avril 1967, marathon de Boston. Catherine Switzer, agressée par le directeur du marathon, mais protégée par son petit ami et son entraîneur, reprend sa foulée. Elle est harcelée par les journalistes qui lui posent des questions en pleine course. Qu'est-ce que vous essayez de prouver? Êtes-vous une suffragette ou une militante? Et vous, un imbécile ou un réac? Aura-t-elle pu répondre? Mais elle a autre chose à faire, Catherine. Avec une seule idée en tête, finir la course. Maintenant qu'elle est sous le regard des journalistes, un abandon serait désastreux. Pour elle et pour toutes les femmes. Et elle termine, effectivement, accompagnée de Bobby Jeep, loin devant Catherine. Mais c'est cette dernière qui va faire la une des journaux, grâce ou à cause des images de l'agression qui sont diffusées dans la presse. Quelques jours après la course, Catherine Switzer reçoit une lettre de la Fédération. Elle est radiée à vie de toutes les compétitions. Ce qui a pour effet de la rendre plus déterminée que jamais. Et elle va se battre. Au moment même où, dans le monde entier, des groupes féministes se structurent pour les droits des femmes, la jeune américaine va militer pour celui de courir librement. Elle l'explique dans le documentaire « Free to Run ». Ce fut ma première vraie confrontation avec la discrimination et cela m'a véritablement ouvert les yeux. J'ai réalisé qu'on m'avait toujours incité à être responsable, à terminer ce que j'avais commencé. Et c'était mon devoir désormais d'offrir cette chance à d'autres femmes, de leur faire savoir à quel point courir pouvait être formidable. Je ne savais pas comment m'y prendre, mais en franchissant la ligne d'arrivée, j'ai su que ce serait le projet de ma vie. Son combat trouve un écho de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'en Suisse, où un groupe de passionnés vient de fonder un magazine dédié entièrement à la course à pied. Son nom, Spyridon, qui rend hommage au premier vainqueur du marathon olympique en 1896 à Athènes. Fondé en 1972, le bimensuel parle à la fois d'athlétisme et de course sur piste. Et il laisse une large place aux femmes. Noël Tamini, le rédacteur en chef qui a entendu parler de l'histoire de Catherine Switzer, l'invite en Europe à venir participer à plusieurs courses. À cette occasion, l'Américaine fait la une des magazines avec ce titre « Les clandestines ». La photo la montre courant le marathon de Boston. Cette fois, l'épreuve est autorisée pour les femmes. Et en Europe, tout n'est pas aussi simple. Et Catherine va de nouveau basculer dans la clandestinité lors de la course suisse historique Mora Fribourg. Ce jour-là, Noël Tamini lui a fourni un ancien dossard pour qu'elle puisse courir. Le magazine Spyridon consacre ensuite plusieurs pages à la coureuse américaine dans lesquelles elle répond aux questions des lectrices. Dans une lettre adressée à une amie américaine, elle se confie un peu plus. « Ma chère Suzy, en Europe, tout se passe à merveille, même s'il est triste de voir qu'ici aussi, courir reste un acte solitaire pour la femme que je suis. » Après la course Mora Fribourg et Sierra Montana, elle participe au marathon des Neuf-Brisach en Alsace, qui lui est ouvert aux femmes. À ses côtés, l'une des premières marathoniennes françaises, Ingrid Schoving. C'est sur cette course, l'année d'après, qu'une autre jeune femme va se démarquer, Chantal Langlacé. Dès sa première participation en 1973, la jeune fille de 18 ans réalise la meilleure performance française de tous les temps. L'année suivante, c'est tout simplement le record du monde qu'elle offre à la France avec un temps de 2h46 minutes et 24 secondes. Après cette performance, la revue Spyridon publie un éditorial intitulé « La revanche des proscrites ». Yves Jeannotin écrit « Les audacieuses des temps modernes ont fière allure. Et, à n'en pas douter, elles vont finir par imposer le marathon dans le programme olympique. » Mais le chemin vers le marathon est encore loin et long. D'ailleurs, en France, la Fédération d'athlétisme n'y met pas du sien. Et la performance de Chantal Langlacé ne change rien à l'affaire, comme elle explique elle-même dans ce reportage de 1975, diffusé sur France 3 Picardie. En ce qui concerne le marathon, par exemple, l'épreuve n'est pas encore ouverte aux féminines. Enfin, cette année, elle est ouverte aux féminines, puisque sur le règlement, les filles ont le droit de courir 42 km. Mais au niveau de la Fédération, il y a encore des gens très réticents. 2h46 au marathon, c'est quand même une performance, il faut l'avouer. Et ils sont, disons, un peu, peut-être un peu jaloux que je n'ai jamais fait appel à eux pour courir, etc. Que c'est pas eux qui m'entraînent. Et... Vous n'avez jamais été contacté par des gens de la fédération ? Non, jamais, jamais. Au contraire, ils mettraient plutôt des bâtons dans les roues et m'empêcheraient de courir que plutôt de m'aider et de m'envoyer, par exemple, faire des compétitions à l'étranger. De son côté, l'américaine Catherine Switzer, marathonienne et journaliste, poursuit son combat. Dès 1972, elle lance des courses spécialement ouvertes aux femmes. 6 ans plus tard, elle signe un partenariat avec la marque de cosmétiques Avon. L'objectif est de créer un circuit mondial de courses exclusivement féminines pour que les femmes se sentent nombreuses et en confiance. Chacune d'entre elles peut venir courir et remporter une médaille, et c'est de la fierté qu'elle rapporte chez elle. Au même moment, la Française Chantal Langlacé poursuit son ascension. Le 1er mai 1977, elle décroche le record du monde des marathons en 2h35 minutes et 15 secondes. Son entraîneur se confie devant les caméras des journalistes. Je pense qu'elle est malheureusement venue un peu trop tôt pour qu'il y ait un marathon olympique. S'il y en avait eu un, Dieu sait si elle aurait été championne olympique, ça on pourra jamais le dire. Je pense que cette chose-là viendra dans une dizaine d'années. Est-ce qu'elle courra encore ? C'est difficile à préciser. Et non, pas 10 ans, 4 ans. Puisque le 23 février 1981, à Los Angeles, le marathon féminin est inscrit comme épreuve au JO. Catherine Switzer, présente lors de l'annonce, glisse à une amie à côté d'elle. Personne ne pourra comprendre l'importance de ce moment avant que la première femme ne sorte du tunnel pour pénétrer dans le stade olympique. Chantal Langlacé, elle, est aux anges. Près de 10 ans après son premier marathon, les JO se présentent à elle. Rendez-vous en 84. Dès le début de cette année olympique, elle accomplit les minima, soit moins de 2h35, ce qui ne lui assure pas pour autant de participer aux JO de Los Angeles. Pour cela, il faut qu'elle gagne le marathon de Paris, ou qu'elle passe une nouvelle fois sous la barre de 2h35 dans cette même épreuve. Le 12 mai 1984, c'est la désillusion. Elle termine deuxième du marathon de Paris avec un temps au-dessus des minima, 2h42. Celle qui a battu deux fois les records du monde du marathon voit son rêve s'envoler. Elle confiera plus tard, ça a été le grand drame de ma vie. Quant à Catherine Switzer, elle a été recrutée par la chaîne ABC pour commenter l'épreuve olympique. Son rêve, elle va le vivre en direct. Los Angeles Memorial Coliseum, 5 août 1984. Une marathonienne s'apprête à entrer dans le stade pour devenir la première championne olympique de la discipline. Et cela dans son pays, car c'est une Américaine qui est en tête de la course, Joanne Benoit. Au moment où elle s'apprête à pénétrer sur la piste, l'un des commentateurs fait un signe à Catherine Switzer. Le doigt sur la bouche. Chut. Laissons l'ambiance du stade. Sans commentaire. Les grands moments parlent d'eux-mêmes. Elle revient sur ce moment des années plus tard dans le documentaire Free to Run. Pour moi, ce moment fut aussi important que le droit de vote des femmes. C'était l'équivalent, l'acceptation physique de la femme au sein de la société. Partout dans le monde, et pas seulement les 90 000 personnes du stade olympique, mais les millions de spectateurs à travers le monde voyaient cela à la télévision et réalisaient qu'une femme venait de courir 42 km et 195 mètres, l'épreuve la plus difficile des Jeux olympiques, et l'avait faite avec un courage héroïque, avec grâce et à une vitesse folle. Et cela a changé pour toujours l'opinion des gens au sujet du potentiel des femmes. La performance de Joanne Benoit est impressionnante. Elle met tout le monde d'accord. Avec son temps, 2h24 minutes et 52 secondes, tenez-vous bien, c'est l'information la plus importante de ce récit, elle aurait gagné 12 des 19 marathons olympiques masculins. Oui, y compris devant Alain Mimoun en 1956. En interview, la coureuse rend hommage à toutes les pionnières qui lui ont permis de courir ce jour-là. Évidemment, elle pense à Catherine Switzer qui s'apprête à rendre l'antenne et à fêter cette journée historique. Mais tout à coup, une athlète fait son entrée sur la piste. C'est la Suissesse Gabrielle Andersen-Schies. Elle est à l'agonie, elle n'arrive plus à courir. C'est un calvaire de 400 mètres qui débute devant les téléspectateurs du monde entier. Un moment terrible, inoubliable. C'est une image absolument folle que nous avons là. Elle est terrible, cette image. Est-ce qu'elle va s'effondrer avant l'arrivée? Il lui reste encore 60 mètres, même plus 50 mètres à parcourir. Ah, les drames du marathon, on croyait qu'il n'existait plus. Il lui reste encore 20 mètres à Gabi Andersen-Schies. C'est l'image la plus terrible que nous ayons jamais vue dans un marathon depuis que la télévision existe. Encore 10 mètres, encore 10 mètres. Elle est dans le troisième couloir. Encore 5 mètres, 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Elle a passé. Elle a passé et elle s'effondre sous les hurlements de la foule en 2h46 et 41. Gabi Andersen-Schies a la volonté, au courage. Et elle aura, je crois, beaucoup de peine à récupérer cet effort. Vient de terminer son marathon. C'était une image à la fois terrible et à la fois démontrant la volonté de cette femme. Et je me suis dit, oh non, oh non. This can't be happening. Les médias vont se ruer dessus, une femme en situation de détresse. En quelques minutes, elle est passée de la joie à l'inquiétude. Que va devenir le marathon féminin désormais? C'est vrai que l'impact de ces images aurait pu être désastreux vu par des millions de téléspectateurs dans le monde entier. Mais, contrairement aux 800 mètres des JO de 1928, ce marathon féminin historique aura définitivement donné le droit de courir à toutes les femmes, qu'elles soient épuisées ou non. Car la Suissesse, Gabrielle Andersen-Schies, s'est vite remise de sa course. Et son dernier tour de piste a pris une autre signification, le courage, à l'image de toutes les pionnières du marathon. She was born in November 1963. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les pionnières du marathon avec notre invité Martine Segalen. Bonjour. Bonjour. Ah, voilà, approchez-vous du micro, parfait. Ethnologue française, spécialiste de la famille, vous avez écrit le livre Les enfants d'Achille et de Nike, éloge de la course à pied ordinaire, c'est en 1994. Chez Métayer, ça a été réédité en 2017. Alors, l'émancipation de la femme emprunte des chemins divers et variés, parfois avec un... dans le sport, de façon inattendue, comme cette histoire. Elle est assez lumineuse, cette histoire, parce qu'elle part d'une condition quand même terrible, à une émancipation. C'est un combat qui réussit, en tout cas, au niveau de l'athlétisme. On a bien l'impression que ça se passe, d'ailleurs, dans cette période de renversement des mentalités, d'ouverture des droits des femmes, au moment où, en France, en tout cas, il y aura l'accès au droit à l'avortement, à la contraception, etc. Et à un moment où les femmes sont plus diplômées, vont rentrer dans le marché du travail, les relations de couple, les relations sexuelles vont changer avec une beaucoup plus grande liberté dans les mœurs. 1968 n'est pas très... Enfin, on est en plein dans cette période-là. Oui, post-68 en tout cas. Et alors, en tout cas... si je prends ma propre expérience, qui n'a rien à voir évidemment avec celle de Cathy Schweitzer, je suis ethnologue et je travaille donc sur la famille et je m'aperçois que l'exotique est pas très loin, c'est-à-dire qu'en participant moi-même à des courses à un niveau très modeste évidemment, je m'aperçois qu'il y a là un développement d'un mouvement et je dois dire qu'au moment où moi j'ai commencé à courir, tous et toutes, la question se posait même pas, enfin, du fait qu'on ait le droit ou pas le droit de courir, et c'est quelque chose qui est effectivement, comme le droit à l'avortement ou à la contraception, quelque chose qui est venu et qui a émancipé les femmes. Mais c'est vrai que pendant longtemps, elles ont été beaucoup moins nombreuses que les hommes et qu'il y a eu, je dirais à partir des années 90, un vrai engouement, quand je parle de course à pied ordinaire, de course à pied générale, où on voit beaucoup de femmes. C'est dû d'ailleurs à l'action de quelqu'un qui s'appelle Patrice Aquenin et qui a lancé la course des femmes en 1997, si je ne me trompe. Et c'est d'ailleurs à l'occasion du 20e anniversaire de cette course des femmes que j'ai rencontré cette Cathy Schweitzer. Voilà. Schweitzer, très impressionnante femme et charmante qui, elle-même, cette année-là, finalement, célébrait le 50e anniversaire de sa course à Boston. Et est-ce qu'elle véhicule, quand elle parle aux gens, le sentiment d'une victoire accomplie? Parce que, quand même, elle a fait preuve d'un certain courage en y allant comme ça, en disant, ben, j'y vais quand même. Oui, et c'est évident. Et en même temps, elle a bâti toute sa vie là-dessus, si vous voulez, sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Elle a... lorsque le directeur de la course avait bousculé, il avait déchiré son fameux dossard. Donc elle en a fait une marque de fabrique, ensuite qu'elle a marchandisé, et après tout elle avait bien raison si vous voulez, mais en même temps elle a contribué à être partout un porte-parole pour les femmes. Et quand je l'ai rencontrée donc il y a 4 ans à Paris, elle donnait des interviews et elle n'allait jamais, si vous l'aviez interviewée habitant au fin fond du Marais, serait venue en course à pied, ça ne la gênait pas encore. Elle courait très bien encore. Et concernant son agression par le directeur de la course, elle dit, je crois que c'est son coup de chance. Hein. Elle emploie le mot coup de chance. Effectivement, ça lui a permis de faire la lumière sur une tribune, qui devenait sa tribune. Les femmes peuvent courir aussi. Oui, et puis son coup de chance, c'est aussi qu'il y a eu tout ce relais par les médias. Et je trouve que c'est très intéressant, d'ailleurs, l'insistance sur le rôle des médias qui, quelquefois, comme vous le savez, conditionne des mentalités. Quand on entend parler, j'ai trouvé tout à fait frappant tous les interviews que vous donniez de Pierre de Coubertin, avec tous les termes qui étaient employés. Et effectivement, les médias, là, ont contribué à retourner l'opinion. J'ai juste un petit commentaire sur Monique Berliou. Ouais. Monique Berliou, que j'ai connue, était une, puisque je participe à un club, et c'est dans le cadre de ce club d'ailleurs que j'ai couru. Monique Berliou était une grande entraîneuse, et même si les propos qu'elle tenait vous semblaient un peu dépassés, parce qu'elle disait que la femme est faite pour avoir des enfants, elle disait pas ça comme ça, ou si elle le disait, c'était pour remporter le morceau. Elle aussi, c'était une Cathy Schweitzer de la natation féminine, et elle a été... extrêmement actif pour permettre aux femmes justement de participer aux compétitions de natation. Évidemment, la natation rend les femmes belles et pas moches quand elles courent, soi-disant, parce qu'elles transpirent et qu'elles arrivent et qu'elles sont pas pimpantes. Encore que ce soit complètement faux, parce que maintenant les jeunes femmes sont extrêmement jolies à regarder. Alors, on va continuer à en parler justement sur cette approche esthétique après avoir écouté Beyoncé, Run the World. Partie de ces galettes. Bon, passons. On va écouter une archive rapide. Je vais vous demander de la commenter. Vous allez voir, c'est assez saisissant. Elle remonte à 1965. C'est un journaliste qui revient sur le 800 mètres olympique de Marivonne Dupureur, médaillée d'argent au JO de Tokyo en 1964. Et pour vous montrer que la compétition n'enlève à la femme ni sa grâce ni sa distinction, nous ne pouvions trouver meilleure référence que ce 800 mètres olympique de Marivonne Dupureur. Cette course marque la fin d'une époque, de cette époque où les femmes insuffisamment préparées terminaient les 800 mètres complètement épuisées et au bord de la syncope. Ici, nous allons voir la ravissante anglaise Anne Pecker précédée en 2 minutes 1 seconde 1 dixième, Madame Dupureur qui jusqu'au bout gardera une foulée agréable à applaudir. Bon, c'est une époque, hein. Madame Dupureur, on va dire Marie-Vonne Dupureur. Alors, en plus de reprendre à son compte les mensonges sur l'épuisement des femmes après 800 mètres, le journaliste, là, qu'on a entendu, se focalise sur le style et l'esthétique des sportives. On leur demanderait d'être belles, pas forcément compétitives. Là, ça y est, c'est fini, ça, à votre avis? On a passé cette chose-là, on commande plus comme ça, ou pas? Bon, je pense pas qu'on commande comme ça, mais je crois que la partie esthétique est aussi importante et que les femmes elles-mêmes les revendiquent. Et que entre la période où j'ai écrit mon livre, qui était un peu, lui, un livre pionnier sur l'histoire de la course à pied qui commençait, et la réédition que j'en ai faite donc plusieurs années après, j'ai vu qu'il y a des quantités de sites féminins qui, où des femmes s'entraînent ensemble et en même temps s'entraînent à trouver les tenues qui leur vont le mieux et qui elles-mêmes, ce n'est plus maintenant par le jugement des hommes qu'elles sont belles, si vous voulez, mais c'est elles-mêmes qui ont envie de se mettre en valeur à travers la course, en se coiffant, en ayant enfin des vêtements qui leur conviennent, parce que nous, quand on commençait à courir dans les années 1970, il n'y avait pas de shorts qui étaient véritablement appropriés ou de soutien-gorge à la morphologie féminine. Mais depuis, ça, l'industrie s'est engouffrée dedans. J'entendais dans votre reportage, l'une des premières marathoniennes, les pieds en sang. C'est vrai que les chaussures est maintenant une industrie absolument extraordinaire qui s'est développée, notamment pour les hommes comme pour les femmes. Mais je veux dire que cet aspect esthétique, il est toujours important, mais il est plus important à travers les yeux des femmes, me semble-t-il, elles-mêmes. Alors on rappelle qu'en 1984, l'américaine Joanne Benoit remporte le marathon 2h24-52 secondes, donc plus rapidement qu'un Annie Moon quand lui devient champion olympique en 1956. On est dans les débats autour de la théorie du genre, hein, le postulat selon lequel l'homme serait naturellement plus apte au sport. Oui, ça c'est. On est dedans là. Bon, mais c'est lié. Le commentateur qu'on vient d'entendre le disait. C'est lié à la capacité d'entraînement qu'ont les gens en dehors de leur prédisposition physique. Pour l'instant, c'est toujours des hommes qui gagnent. Et je crois qu'il y a un marathon récemment qui est arrivé juste en dessous de 2 heures, ce qui est extraordinaire, oui. Mais il y a certainement, et ça c'est pas de la théorie du genre, c'est plutôt, me semble-t-il, la théorie de la nature, les femmes sont tout de même un peu moins rapides que les hommes, mais on voit qu'elles progressent au fur et à mesure d'entraînements qui sont particulièrement adaptés, il n'y a pas de raison, mais je crois pas qu'il fasse placer ça sous l'angle de la concurrence du tout. Parce que là, nous parlons de performances exceptionnelles, de champions qui vont jusque dans les Jeux Olympiques. Pour moi, ce qui est important, c'est le mouvement de masse des femmes qui sortent, qui courent, qui trouvent leur plaisir, qui, comme Cathy l'explique très très bien, commencent à courir 2 kilomètres en se disant « j'y arriverai jamais » et puis qui finalement se retrouvent dans des courses beaucoup plus longues, qui sont très sympathiques, ou que créent beaucoup de convivialité entre les femmes. On va écouter rapidement notre archive de 1977, Chantal Langlacé, dont on a beaucoup parlé dans le récit, qui s'exprime sur la difficulté d'obtenir un marathon féminin olympique. Qu'est-ce que ça va représenter pour vous, toutes ces compétitions auxquelles vous participez à l'étranger? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Disons, ça apporte la possibilité qu'il y ait la création d'un marathon quand même à Moscou. À New York, on a toutes les coureuses et on était 2000 au départ, ce qui est formidable. On a signé une pétition et la fédération américaine a demandé aux autres fédérations des pays s'ils étaient d'accord. Mais enfin, pour l'instant, il n'y a que l'Allemagne qui a répondu positivement. Les autres, c'est le silence. Et donc, par ces actions-là, on espère arriver à obtenir cela. C'est formidable. C'est un peu le féminisme du sport. Un peu, oui. Mais enfin, en Amérique, c'est une chose naturelle, donc il n'y a pas de raison. Pas en France. Pas en France, pas encore, non. Hélas. Bon, c'était en 1977. Hein. Chantal Langlacé, pas assez important, ses performances sportives, purement sportives, ont été importantes, justement, pour l'athlétisme féminin et pour la suite. Oui, bien sûr, mais maintenant, quand elle dit il y a 2000 personnes qui prennent le départ d'un marathon, ça fait un peu sourire, parce que maintenant, on les limite, au contraire, et pour le marathon de New York, je sais qu'il n'y a que 25 000 participants, et d'ailleurs, si j'ai bien compris l'archive, on lui avait refusé l'entrée dans le marathon de Boston, je crois, parce que déjà, elle était au-dessus de la performance possible. Oui. Mais ces marathons, maintenant, ça c'est un aspect sociologique très intéressant, il n'y a pas dans le monde, une grande ville qui s'intitulerait grande ville sans avoir son marathon. Et la difficulté maintenant, c'est d'arriver à caser des marathons, puisqu'il y en a absolument partout et tout le temps, y compris quand je regardais ça il y a quelque temps, un marathon dans cette vallée où il y a eu ces fameux statues des Banyans qui ont été massacrés, et où on a eu des femmes qui ont pu venir courir avec des grandes chemises pour cacher leur derrière, mais enfin, on est dans un pays musulman et ça a été possible. Donc, c'est aussi bien pour... Mais c'était des femmes, uniquement un marathon de femmes qui avait lieu à ce moment-là. Je suis pas non plus pour la ségrégation des sexes. Je pense que c'est beaucoup mieux s'il peut y avoir des courses mixtes. Qu'y a-t-il derrière ce titre, le titre de votre livre, Les enfants d'Achille et de Nike, éloge de la course à pied ordinaire? D'abord, c'est un jeu de mots sur les déesses et les dieux qui sont liés à la course à pied. Les dieux du stade, et en même temps un jeu de mots sur les marques de chaussures, parce que ça m'a beaucoup fasciné, la façon dont on s'habillait. Et surtout, quand je parle de la course à pied, bon, c'est ça ne se situe pas du tout dans le même champ que ce qu'on a entendu aujourd'hui, qui est le très haut niveau, mais c'est au contraire cet éloge ou cet émerveillement que j'ai eu dans les années 1970, quand j'ai commencé moi-même à sortir de la cendrée, comme on dit, et à aller arpenter avec grand bonheur des bois, des espaces, etc., et à découvrir toute l'endurance et tout le bonheur qu'on pouvait avoir en tant que coureur à pied moyen, médiocre, mais qui en est très heureux avec cette activité. Bien, avant de vous remercier, de vous saluer de considération, une première, quand même dans l'émancipation et les progrès du sport féminin, il y a eu la Coupe du Monde de football qui s'est très bien passée. Oui. Hein, les mecs quoi, qui aiment le foot se disent « Ah bah dis donc, les filles elles jouent bien, c'est bien ». Oui, et elles gagnent. Je suis à ça. À Lyon notamment. Oui, bien sûr. Ça c'est formidable. Et puis je voulais vous donner aussi cette information, le film Free to Run dont nous avons beaucoup parlé pendant le récit est disponible en VOD sur le site d'Arte. Il me reste à vous saluer, à vous remercier Martine Segalen. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les pionnières du marathon, une émission que vous pouvez évidemment réécouter en podcast. À la technique aujourd'hui, Anne-Laure Cochet.